C'est dans le domaine de la santé que l'on trouve le plus grand nombre d'objets connectés. Il faut dire que les données physiologiques humaines constituent un formidable champ d'investigation. Les paramètres à surveiller sont nombreux et la technologie permet aujourd'hui de quantifier tout cela en temps réel. C'est le fameux phénomène de l'automesure, en anglais le quantified self. Alors il y a tout d'abord par exemple le pèse-personne connecté qui enregistre votre poids au jour le jour et vous permet de retrouver les données sur votre mobile via une application dédiée. Cela va même plus loin aujourd'hui avec la mesure du rythme cardiaque par les pieds, oui ça marche, du taux de CO2 dans la pièce, ou encore de l'annonce du temps qu'il va faire dans la journée. Autre type d'équipement pour la santé, le tensiomètre connecté pour ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires et qui doivent surveiller leur pression artérielle au quotidien. Ce type de produit coûte moins d'une centaine d'euros chacun. Et puis on trouve aussi toutes sortes de petits accessoires pour certaines pathologies qui sont désormais dotés de fonctions de connectivité. Par exemple, un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang ou un glucomètre pour les diabétiques. Google travaille même sur un projet de lentilles de contact qui surveilleront la glycémie en temps réel. Et puis des appareils assez étonnants sont également en préparation, comme un scanner médical qui prend en un instant la température, le pouls et la tension, ou encore un analyseur d'urine personnel pour la maison. À condition de ne pas en abuser, de ne pas en devenir esclave, ces appareils servent donc à mieux surveiller sa santé au quotidien en effectuant de petits examens qui nécessitaient jadis la présence d'un médecin. Le médecin intervient après pour analyser toutes ces données.